J'aime bien. Eh bien, c'était mini concert. C'est vrai qu'on s'éclate tous les trois. Dommage qu'on habite loin. J'ai joué de la musique toute l'après-midi, putain. Salut. Un petit peu, oui.